Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les bidonvilles de Nanterre, entre les années 50 et 70. Essentiellement peuplées par des Algériens jusqu'en 1962, ces bidonvilles constituaient la marque visible de la marginalité de leurs habitants. Partie prenante du contexte de décolonisation, il furent aussi le contrepoint de la France des Trente Glorieuses, ses constructions neuves, son plein emploi et ses industries florissantes. Reconstruction, décolonisation, immigration, retour donc sur ces lieux de mémoire majeurs dans l'histoire de France immédiate, contemporaine et pourtant méconnue, les bidonvilles de Nanterre de l'après-guerre jusqu'à leur résorption en 1971. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Notre invité après le récit, Olivier Perroux, sociologue, spécialiste des migrations et membre de Trajectoire, une association destinée à la prise en compte des populations migrantes vivant en bidonville et notamment des populations originaires de l'Europe de l'Est. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Sur un vaste terrain vague, parsemé de déchets au milieu de nulle part, une masse sombre s'étend comme un îlot de tôle et de bois gâté flottant sur une marée de terre boueuse. Des maisonnettes se jouxtent. Leurs murs sont composés d'éléments disparates, glanés par leurs propriétaires au hasard de leur misère, des vieux cartons, des briques dissemblables, des plaques de plâtre, le tout recouvert de goudron. Entre ces masures miséreuses, petites comme une cabane à outils au fond du jardin, souvent sans fenêtre, ni électricité, un dédale de ruelles étroites. L'eau usée coule au hasard des sillons formés par les allées venues, tandis que quelques rats couvrent dans la gadoue. Un tas d'ordures, des charges spontanées, brûlent à l'écart du camp. Une fumée noire s'élève dans le ciel, exhalant ses relents putrides. Calcutta, Rio de Janeiro, ces fameuses favelas, mais aussi, eh oui, Aubervilliers, Champigny, Nanterre, 1971. À Nanterre ou à la Courneuve, les bidonvilles ressemblent à ceux de toutes les latitudes, ils se ressemblent tous. Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi. Sur un terrain vague, des hommes venus en masse travailler dans la région parisienne ont fait naître ces cités misérables. Africains du Nord, Portugais, Espagnols et aussi des Français. On vit entre soi. Des commerçants ont ici leurs éventaires à la mesure et à l'image de l'habitat. Et l'heure du marché ressemble à toutes les heures de marché, mais on est dans un autre univers. Un univers de hasard, de passage, insoupçonnable et souvent insoupçonné. Sur les chemins des trempés des bidonvilles de Nanterre, on croise des femmes, des hommes, des enfants, Ali, Soraya, José Bachir, Manuela. Ils vivent là depuis 1, 2, 15 ans, parfois. Les enfants vont à l'école, les hommes à l'usine, les femmes s'occupent de la maison. Nettoyer le linge avec l'eau de l'unique fontaine du campement, aller faire les courses et affronter le regard des autres, ceux qui vivent au propre, au sec. Certains dans le bidonville marchent les pieds dans des sacs plastiques pour ne pas salir leurs chaussures. D'autres ont deux paires de souliers. L'une boueuse pour le campement, l'autre soignée pour l'extérieur. Car les travaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, ceux du nouveau quartier de la Défense et ceux des futurs tours HLM de Nanterre, déversent des tonnes de terre autour des baraquements. Des amas comme des montagnes qui empêchent l'eau de pluie de s'évacuer et obligent les habitants à composer avec la fange. Au loin, à l'horizon, quelques rues, des bâtiments modernes sortent de terre. Et puis, tout près mais invisible, inaccessible, Paris, les Champs-Élysées, l'Opéra Garnier. Car les bidonvilles à Nanterre, comme dans le reste de la France, ne sont que les entre-deux transitoires, mais figés. Une transition, oui, entre l'Algérie aimée, quittée, regrettée parfois, et la France, cet espoir qui ne se dessine pas vraiment. Une transition entre une culture, une communauté solidaire et fédératrice, et les Français, les autres Français, que les habitants des bidonvilles ne côtoient pas, ou si peu. Une transition entre un passé impossible et un futur qui le semble tout autant dans ces bidonvilles de Nanterre. Oui, les bidonvilles, car il y a plusieurs campements dispersés dans une ville très étendue où les terrains non urbanisés sont nombreux, laissant le champ libre à ce type d'habitat spontané. Parmi les bidonvilles de Nanterre, on trouve les Pâquerettes, le Petit Nanterre, les Prés, la Garenne et la Folie, le plus vaste d'entre eux, 23 hectares de misère. En tout, 14 000 personnes, dont une majorité d'Algériens, y habitent. 14 000 personnes qui, au fil des décennies 50, puis 60, vont souffrir du froid, de l'insalubrité, du regard des autres. 14 000 personnes qui, de promesse de relogement en promesse de relogement, vont développer des solidarités, des usages, une histoire. C'est donc cette histoire, entre drames intimes, décolonisation et politiques urbaines, que nous vous proposons aujourd'hui. De la reconstruction de la France d'après-guerre jusqu'à la résorption, c'est le terme officiel de 1971, retour sur ces espaces oubliés et pourtant si actuels que sont les bidonvilles de Nanterre. Les Trente Glorieuses, une expression de l'économiste Jean Fourastier qui désigne la période de forte croissance et les changements sociaux connus, entre autres pays développés, par la France après la Seconde Guerre mondiale. Un boom économique, mais aussi une croissance démographique considérable, due au baby-boom et à l'arrivée de travailleurs étrangers attirés par le développement industriel du pays. Car le gouvernement français, dans les années 50, encourage l'immigration. Les ouvriers algériens, italiens ou portugais qui s'installent dans les villes jouent un rôle essentiel dans les usines. En France, les ouvriers, manœuvres ou OS sont trop peu nombreux, d'autant plus que les jeunes sont envoyés en Algérie à partir de 1954 pour effectuer un service militaire long de plusieurs mois. À Nanterre, au nord-ouest de Paris, la population ne cesse de croître dans les années 50. Peuplée par 53 000 habitants en 1954, la ville en compte 83 000 au début de la décennie suivante. Parmi les habitants, beaucoup d'Algériens, près de 10% en 1958, majoritairement des hommes seuls, ouvriers dans les usines alentour. S'ils sont si nombreux dans cette ville et dans le reste de la région parisienne, c'est parce que depuis 1947, la circulation est libre entre l'Algérie encore française et la métropole. Les Algériens sont français, mais avec une précision, ce sont les Français musulmans d'Algérie, les FMA. Une citoyenneté à part entière, mais tout de même distincte, celle qui permet aux Algériens de venir en France. Et c'est le choix qu'a fait le père de Brahim Ben Aïcha, commissaire aux comptes, qui a grandi dans le bidonville des Pâquerettes et qui raconte sur France Culture. Je crois qu'il faut se rappeler une chose, c'est qu'en 60, on était tous français. Je n'étais pas encore gaulois, le stage de gaulois, je vais le prendre au bidonville de 60 à 70. Donc on a rejoint notre père, qui avait déjà immigré depuis 5 ans en France, pour des raisons purement économiques. Et lorsque nous sommes arrivés en 60, il était évident que pour nous, c'était une immigration provisoire de quelques temps pour retourner au pays après avoir eu un petit pic. Les Français musulmans d'Algérie qui arrivent en France sont souvent jeunes, d'origine rurale et paysanne. Ils fuient la pauvreté, le chômage et parfois les traditions. Un véritable désir de France se développe chez ces jeunes qui rêvent d'un paradis où l'argent se ramasse. Un rêve aussitôt brisé quand ils découvrent les conditions de vie qui seront les leurs dans les bidonvilles de la région parisienne, à Nanterre, mais aussi à Aubervilliers ou Champigny. Car la France des années 50 connaît une grave crise du logement. Après 1945, 15% du parc immobilier français, soit 2 millions de logements, sont détruits ou endommagés. La Seconde Guerre mondiale a laissé un Français sur 7 sans toit. L'habitat précaire se banalise pour les Français de France et a fortiori pour les Français d'Algérie qui doivent affronter la méfiance des propriétaires et composer avec leurs revenus fragiles d'ouvriers. Mais tandis que les premiers vivent dans des logements vétustes en centre-ville, les Algériens, eux, sont contraints de s'installer en banlieue, là où les compatriotes qui les ont précédés vivent déjà, dans les bidonvilles. La ségrégation spatiale apparaît d'ores et déjà comme la norme. Les autorités françaises affrontent alors une contradiction face à cette immigration en provenance d'un pays colonisé. Les Français musulmans d'Algérie sont bienvenus car ils participent du dynamisme économique de la France des Trente Glorieuses, oui. Mais ces étrangers, qui ne sont pas censés l'être, ne doivent pas s'éterniser en France. Dans l'idéal, et c'est le cas dans la première partie de la décennie 50, ils peuvent rester 2 ou 3 ans avant de rentrer chez eux. C'était sans compter sur la guerre d'indépendance algérienne qui éclate en 1954 avec son lot de combats et d'exactions. Les Algériens sont de plus en plus nombreux à quitter l'Algérie pour s'installer durablement en France. L'immigration algérienne a doublé pendant la guerre d'Algérie, puisque en 1954, il y avait environ 220 000 personnes en France. Et on se retrouve à presque 350 000, 400 000 personnes en 62. Il y a plusieurs causes. D'abord la guerre elle-même, puisque la plupart des migrants sont d'origine paysan. Ils viennent des campagnes. Or, la guerre a entraîné un énorme déplacement paysan en Algérie. Et c'est ce facteur qui explique en grande partie la migration, dans la mesure où, quand un paysan quitte sa terre, même de 3 km ou de 10 km, eh bien l'impulsion est donnée. Alors, la grande nouveauté des années 50, c'est la migration familiale. Et qui dit migration familiale, dit installation de la migration, c'est-à-dire qu'ils ne repartiront pas. Dès lors que les enfants grandissent sur le territoire français, eh bien, les parents ne peuvent plus partir. Paradoxalement, ils sont prisonniers de leurs enfants. Pour protéger leur famille, pour éviter la déportation et l'enfermement dans les camps de regroupement institués par l'État français, les pères font venir femmes et enfants en France. Une situation difficile à vivre pour ces hommes qui n'avaient jamais osé avouer à leur famille que la France, eh bien, ce n'était pas le paradis dont ils avaient rêvé. Une situation difficile pour les enfants également, qui découvrent les masures exiguës, la boue et les odeurs de bois pourri. Brahim Benaïcha raconte son arrivée dans le bidonville de Nanterre. Moi, je viens d'une autre civilisation, si je peux dire. Je viens du désert, donc dans un autre monde. Et à l'âge de 8 ans, j'étais persuadé que j'allais au paradis terrestre et atterrir ici un jour du mois de novembre, un jour pluvieux. Et puis on s'est engouffré dans une allée pleine de boue. C'était vraiment un cauchemar éveillé. Est-ce que j'avais mal réglé la machine à remonter le temps de Jules Verne? Sûrement. C'est toujours présent, hein. On ne peut pas oublier parce que c'était un tel contraste. Donc vous arrivez dans cette maison, elle se présentait comment cette maison, ce paradis que vous aviez rêvé quand vous étiez dans votre oasis? C'est une baraque faite de briques et de brocs, de bois, de planches, de tôles. C'était de la faraille, du bois, souvent du bois pourri, tout ce qu'on pouvait récupérer, c'est-à-dire dans les poubelles. La seule chose qui était achetée, c'est les clous et des feuilles de goudron. Et ça brûlait comme des torches quand il y avait le feu. Ça, c'est ce qui était un autre problème. Pourtant, dans les années 50, malgré les conditions de vie lamentables qui prévalent, les bidonvilles de Nanterre intéressent peu les médias et les politiques. Non, on s'émeut davantage des mal logés des immeubles croulants du centre de Paris. Il faut attendre la fin des années 50, en pleine guerre d'indépendance algérienne, pour que médias et autorités commencent à faire des bidonvilles de Nanterre un vrai sujet. Le 29 octobre 1957, France Soir titre « Une ceinture de bidonvilles entoure Paris ». Alors que la guerre fait rage en Algérie, le journal propose une association nouvelle qui deviendra bientôt un poncif. Les bidonvilles de Nanterre seraient le repère des militants du FLN. Les affaires de la France sont difficiles. La Ve République, instaurée à l'automne 1958 par le général de Gaulle, entend redéfinir l'action de la France vis-à-vis des Algériens, tant en Algérie qu'en métropole. Il s'agit, selon l'expression officielle, d'instaurer un nouveau climat en isolant l'action sociale du domaine de la surveillance ou de la répression. Objectif, récupérer le contrôle des Français musulmans d'Algérie, largement acquis à la cause du FLN. Un projet entravé justement par l'influence grandissante et l'engagement du Front de Libération Nationale sur le territoire français. En 1958, un cap est franchi avec la série d'attentats menés par le FLN contre des postes de police, des casernes ou des dépôts de carburant, dans le but de paralyser les forces militaires françaises. Un deuxième front s'ouvre donc en métropole. Les bidonvilles, largement peuplés d'Algériens, commencent à inquiéter les autorités. Ce dédale de ruelles étroites et boueuses, ces baraquements aveugles, à l'écart de tout et de tous, ne serait-il pas un terreau idéologique fertile, à même de nourrir les mauvaises herbes, les fomentations dangereuses, le terrorisme? Or, si beaucoup d'Algériens des bidonvilles de Nanterre, et d'ailleurs soutiennent le FLN, tous ne sont pas des activistes. La plupart ne font rien d'autre que payer l'impôt révolutionnaire, la cotisation instaurée par le FLN, comme l'explique Benjamin Stora. À partir de 58, France du FLN assoit définitivement son emprise sur la masse de l'immigration algérienne en France, puisqu'en 1961, on compte environ 150 000 cotisants en France à la Fédération de France du FLN. Bon, ce qui est énorme, ça veut dire que pratiquement tout le monde cotise. Hein. Pas adhérent, cotise, disons, au FLN. Donc il y a eu un basculement, une immigration nationaliste, quoi, enfin au sens classique du terme. Bon, il y a des raisons nobles, évidemment, l'indépendance, la reconquête de souveraineté, l'espérance de pouvoir revenir dans un pays débarrassé du système colonial, etc. Bon, ce sont les raisons d'adhésion, disons, au nationalisme et au FLN. Parce qu'une partie des habitants des bidonvilles soutient le FLN algérien sans pour autant y adhérer, les bidonvilles de Nanterre deviennent le symbole de la systématisation de la lutte contre le FLN. Lutte qui connaît un tournant avec la nomination de Maurice Papon comme préfet de police en 1958. Les descentes de la maréchaussée dans les différents bidonvilles de Nanterre se multiplient, comme ce 14 mai 1960. L'opération dite « Pâquerette et Tartarin », on dirait le titre d'un conte pour enfants, voit 17 quarts de police débarquer dans les campements du même nom pour compter les résidents, fouiller les maisons et procéder à des arrestations. Une patrouille, spécialement créée par la préfecture de police, crée la terreur chez les habitants des bidonvilles de Nanterre. On l'appelle la brigade Z, ou les hommes bleus, du fait de l'uniforme des brigadiers, bien sûr. Leur rôle, empêcher les bidonvilles de s'étendre. Au cours de leurs fréquentes patrouilles, les hommes bleus détruisent toute construction nouvelle à coups de masse et d'arrache-clous, poussant les habitants à construire des maisons secrètement, de nuit, et à les vieillir artificiellement. Pour les habitants des bidonvilles, qui vivent dans la crainte permanente des brimades et des violences de la brigade Z, les hommes bleus resteront des symboles de la violence publique à leur encontre. En 1961, les attentats du FLN contre des policiers français s'intensifient. La réponse de Maurice Papon est immédiate et radicale. Le 5 octobre 1961, il instaure un couvre-feu pour tous les Algériens. Entre 20h30 et 5h30 du matin, les Français musulmans d'Algérie n'ont pas le droit de sortir dans la rue et leur commerce doit fermer. Des manifestations sont organisées dès les semaines suivantes pour protester pacifiquement contre une mesure injuste qui exclut les Algériens du reste de la société française. Et le 17 octobre 1961, les défilés soutenus par le FLN et interdits par la préfecture de police dégénèrent gravement. Hier donc, quelques premières manifestations en fin de matinée et dans l'après-midi ont lieu sur les grandes artères de Paris. Dans la soirée, un nœud important se forme vers le rond-point de la Défense, d'autres dans divers secteurs. Crise hostile, slogan FLN, voitures malmenées, retournées. Très vite, les heurts deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants. Les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Bilan, 2 tués et aussi 1 Européen. Un Français originaire du Finistère et demeurant à Rouen, qui était on ne sait pourquoi à Paris. Il est mort à l'hôpital Cochin. 64 blessés hospitalisés parmi les musulmans. 12 de représentants du service d'ordre, dont 2 brigadiers et 1 officier de police blessés également. Soulignons toutefois que personne dans le service d'ordre n'a été blessé par balle. Plus de 11 000 musulmans appréhendés et conduits au palais des sports ou au stade de Coubertin. Le préfet de police devait faire savoir cette nuit qu'une grande partie d'entre eux serait refoulée dès cette semaine sur l'Algérie. Le bilan de la manifestation musulmane, comme l'appelle la presse, est sanglant. Ce ne sont pas 2, mais des dizaines, voire des centaines d'Algériens qui meurent ce 17 octobre 1961. La sauvagerie de la répression marque les Parisiens, choqués par la vision de ces corps sans vie, étendus sur le bitume ou flottant dans la Seine. Sur les bords du fleuve, les tags fleurissent. « Ici, on noie des Algériens », indique l'un d'eux. La presse s'empare du sujet. Et les bidonvilles de Nanterre, la Garenne en particulier, s'installent durablement dans le discours médiatique comme l'emblème du mal-logement des étrangers. Et les politiques, eux aussi, ouvrent les yeux. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville, vivre là-dedans c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres l'herbe pousse, pour y dormir faut se pousser. Les gosses jouent, mais le ballon c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. ta main, camarade. J'ai cinq doigts, moi aussi. On peut se croire égaux. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions. Je reverrai toujours, toujours bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, bientôt, bientôt, on pourra se parler, camarade, bientôt. Bientôt, on pourra s'embrasser, camarades. Bientôt, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades. Bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarades. Bientôt, bientôt, je t'attends, camarades. L'objet de cette proposition de loi est de fixer de nouvelles règles juridiques pour rendre plus aisée et plus rapide la transformation de ces quartiers à la fois insalubres et irrécupérables qu'on appelle en langage ordinaire bidonville. L'accumulation de ces taudis à la porte des grandes cités industrielles est une des hontes de notre époque. Deux ans après l'indépendance de l'Algérie, la loi Debray est votée à l'Assemblée nationale le 14 décembre 1964. Pour la première fois, un texte cible les marges urbaines et officialise le mot « bidonville ». L'objectif de cette loi, qui ne relève plus désormais de la question coloniale, mais de la seule politique de la ville, est bien d'éradiquer les bidonvilles, oui, de les raser définitivement. Depuis 10 ans, à Nanterre comme ailleurs, les buildings sortent de terre, les logements gagnent en confort et la ville propre, organisée, moderne, stade achevé de la civilisation, devient la référence. Les bidonvilles, leurs allées boueuses, leur sociabilité méconnue, même s'ils ne sont plus de potentiels repères de terroristes du FLN, inquiètent les Français. Ce nouveau mal des banlieues occupe un espace considérable dans la presse qui multiplie les reportages sensationnalistes et les titres menaçants. L'expression « la honte de nos cités » utilisée dans la loi Debray est reprise partout, souvent doublée d'une métaphore liée à la maladie, la gangrène, l'épidémie. Les médias se montrent parfois dégoûtés, parfois compatissants face à ces populations qu'on pense arriérées, inadaptées. Les bidonvilles, véritables dangers sanitaires et moraux, sont jugés indignes d'un pays civilisé comme la France. Or, les bidonvilles sont habités par des étrangers. La guerre d'Algérie et ses implications politiques écartées, la méfiance envers ces zones marginales se teinte maintenant de xénophobie. Ce n'est plus le FLN qui fait peur, mais les Arabes, leur culture, leur morale, leur hygiène. Après la décolonisation, les bidonvilles incarnent ce qui deviendra un enjeu majeur pour la société française, l'immigration. Avec l'ouverture progressive du marché de la Communauté économique européenne, la fin de la décolonisation et le retour en France des pieds noirs, la machine à construire française s'emballe. Entre 1962 et 1964, on parle de 1000 logements par jour. Ce à quoi il faut ajouter des travaux colossaux d'aménagement et des grands chantiers comme celui de la Défense, à proximité des bidonvilles de Nanterre. Des chantiers qui encore et toujours repose sur la main-d'œuvre étrangère, algérienne à Nanterre, mais aussi portugaise. Des travailleurs portugais qui louent très cher des baraques aux bidonvilles. Ils racontent l'exclusion, la honte. au point de vue accueil administratif. Comment ça se passe? On est très mal reçus comme des chiens. C'est-à-dire? Ben, quand on se présente à la mairie, d'abord on nous regarde de la vitesse aux pieds, les gens nous parlent du bout des lèvres, et c'est tout, quoi. Et ils nous répondent à peine aux questions qu'on leur demande. Qu'est-ce que vous avez comme secours, si je peux dire? Bon, c'est dire aucun, on n'en a pas beaucoup. La mairie nous écoute à peine quand on va les voir. Ça fait 4 ou 5 ans qu'ils nous promettent des choses et qu'ils ne les tiennent pas. Ils nous promettent qu'on va nous loger, qu'on va avoir une vie meilleure, et à chaque fois ils laissent tomber, alors nous on croit que c'est vrai, puis c'est pas vrai, quoi. Lorsque par exemple vous appelez un médecin. Oui. Il demande sur le, quel étage, et quel escalier, quel numéro. Alors on est en train. Alors nous on est honte pour répondre si par exemple on dit dans les bidonvilles. Alors on est honte de ça. Moi, même quand je vais chercher la commission, j'ai descendu d'autobus, j'ai fait le tour de petite baraque là, sans attendre, là, pour que vous ne voyez pas se passer ici sur le bidonville. Alors que la loi Debray est appliquée de façon spectaculaire dans d'autres bidonvilles, comme à Champigny, où 14 000 habitants sont chassés par des bulldozers en quelques jours, les bidonvilles de Nanterre, eux, vivent dans l'attente. 10 000 personnes, 1 200 familles, vivent encore en 1966, malgré quelques centaines d'expropriations réussies, comme dans le bidonville du Petit Nanterre. La municipalité communiste se désintéresse peu à peu des Français musulmans d'Algérie devenus algériens, donc non-électeurs. Les expropriations sont lentes, les solutions de relogement insuffisantes. La situation des bidonvilles de Nanterre s'enlise. Dans le sillage de mai 1968, qui a politisé la question des bidonvilles et la place des immigrés dans la société, c'est un drame qui va accélérer la fin des baraquements de Nanterre. Le 1er janvier 1970, 5 ouvriers maliens meurent asphyxiés dans un taudis de l'Est parisien. Rapidement, le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas se saisit de la médiatisation orchestrée par l'extrême-gauche et les associations de soutien aux travailleurs étrangers et il annonce qu'il veut en finir avec les bidonvilles d'ici 2 ans. Le 10 juillet 1970, la loi Vivien qui facilite l'expropriation pour cause d'insalubrité est votée. Sur la liste des bidonvilles concernées, Nanterre se trouve en tête car les manifestations sanglantes du 17 octobre 1961 en ont fait un symbole de la situation des étrangers en France. Le 15 juin 1971, un an après le vote de la loi Vivien, les opérations de résorption des derniers baraquements de Nanterre débutent, dans un climat tendu. La préfecture, qui craint les protestations des centaines de familles vivant encore sur place, mobilise les services sociaux, mais aussi des policiers, des militaires et la brigade Z, chargée d'empêcher le développement des bidonvilles depuis 1961. Et puis, les bidonvilles de Nanterre ayant une valeur emblématique, des personnalités sont présentes, comme le vice-consul d'Algérie ou encore Robert-André Vivien, le député à l'origine de la loi de 1970. Le 29 juin 1971, au journal télévisé, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas visite une cité de transit neuve, la cité Gutenberg, où certains habitants des bidonvilles de Nanterre vont être relogés. J'ai vu détruire un bidonville. Je suis passé ensuite devant 2 autres entièrement rasés. Et ensuite, je suis allé visiter ce qu'on appelle une cité de relogement. Ou alors là, c'était les familles, et des familles généralement nombreuses. Si bien que je suis sorti de là avec une nuée d'enfants à côté de moi, qui étaient des enfants du bonheur, alors qu'avant, ils étaient des enfants de la pouillerie. Et ce qui a été très émouvant, c'est qu'un tout petit bonhomme, qui avait peut-être 7-8 ans, à un moment donné, s'est tourné vers moi et m'a dit « Ah, monsieur, est-ce que tu vas en faire d'autres ?» Oui, pour ceux qui restent. Et bien, je lui ai dit « On est en train. » On est en train. Il faut qu'on comprenne qu'en France, on ne peut pas laisser encore des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, français ou non, vivre dans ces conditions. Dans ce reportage d'Antenne 2, le seul, car aucun autre journaliste n'a été convié, les habitants du bidonville semblent satisfaits. Pourtant, contrairement à d'autres opérations de résorption, celle de Nanterre donne lieu à de revendications collectives. Soutenues par des associations, les 128 familles du campement de la Folie demandent d'être relogées à Nanterre, où elles sont installées depuis des années. Mais elles refusent les vieilles cités de transit de la commune, construites dans les années 60 et déjà très dégradées. Car la cité Gutenberg, toute neuve, dont Jacques Chaban-Delmas se félicite, n'est pas la norme. Certes, les cités de transit accélèrent le relogement et permettent d'habituer les familles au logement en appartement avant l'accès à la location HLM, mais les conditions de vie dans ces cités rappellent celles des bidonvilles, justement, que leurs résidents ont à peine quittées. Et en l'absence des places en HLM, où les familles françaises sont souvent privilégiées, le transitoire devient définitif. À Nanterre, ces femmes racontent, logées dans une cité de transit pour 6 mois, elles y sont depuis 13 ans, oui, dans des logements vétustes où les plafonds s'effritent sous l'humidité. Nanterre, préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces bâtiments apparemment désaffectés vivent en réalité plus de 350 personnes, dont 273 enfants. La cité André Doucet a été inaugurée en 1962 pour reloger des familles après la démolition de bidonvilles. Ces logements ont été construits au départ comme des habitations provisoires en matériaux légers avec des murs de 2 cm d'épaisseur posé à même le sol sans vide sanitaire. J'en ai marre. Vous avez combien de pièces ici? 3. 3 pièces pour 8 personnes? Ouais. Il n'y en a pas cuisine, il n'y en a pas salle de bain, il n'y en a pas rien du tout. Alors est-ce que vous avez demandé à être logé? Il y en a les demandé beaucoup le demande. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Il y en a attendu, il ne les donnait pas. En juillet 1971, à la fin de l'ultime opération de résorption des bidonvilles de Nanterre, les baraquements ont disparu, certes. Mais le problème du mal logement des immigrés en France n'a pas été résolu. La majorité des familles a été relogée dans des cités de transit moins voyantes, mais tout aussi précaires. Et il faudra, une fois de plus, attendre un drame. En 1982, en l'occurrence, pour que les dernières familles nantériennes soient finalement relogées en HLM. Un jeune de la cité de transit de Gutenberg, Abdenbi Gemia, est abattu d'une balle dans le dos par un habitant du quartier pavillonnaire adjacent. Un crime raciste qui va choquer l'opinion publique et mettre en lumière les conditions de vie des habitants des cités de transit de Nanterre et d'ailleurs. Enclave coloniale, menace politique, puis lieu de vie précaire des travailleurs algériens, objet de rejet ou de compassion, les bidonvilles de Nanterre incarnent la distance qui sépare les immigrés du reste de la société française. Une ségrégation que la résorption de 1971 ne suffira pas à éclipser. Des bidonvilles aux cités de transit, des cités de transit aux grands ensembles de banlieues, les politiques urbaines qui se succèdent semblent impuissantes, inopérantes. L'espace urbain, comme la société, reste toujours divisé, inégal. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour près du jardin passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce. Préservez cette grâce, de grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les bidonvilles de Nanterre, notre invité Olivier Perroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des migrations et membre de Trajectoire, une association destinée à la prise en compte des populations migrantes vivant en bidonville et squat, et notamment des populations originaires d'Europe de l'Est. D'abord, comment officiellement, en tout cas, définit-on un bidonville? Ça répond à quels critères? Oui, alors, effectivement, il y a plusieurs définitions sur les bidonvilles, et c'est vrai que si on prend les définitions internationales, on se retrouve pas tout à fait dans le cas français. Parce que normalement, un bidonville, c'est donc un quartier fabriqué de briquet de broc, mais qui reste fixe. Or, actuellement, les bidonvilles sont régulièrement détruits et déplacés. Ce qui fait que on est un petit peu en difficulté pour nommer la situation actuelle en France. Alors, à combien on estime aujourd'hui quand même les personnes vivant dans des bidonvilles? Alors, j'imagine que c'est compliqué en fonction de ce que vous venez de me dire. Enfin, globalement, on a un chiffre, une fourchette. Oui, alors ça, on a des comptages assez précis, effectués donc par les préfectures et donc par des policiers qui vont se rendre sur le terrain. On est sur un chiffre stable depuis 2005 qui est de 16 000 personnes. C'est à peu près 10 fois moins que ce qu'on avait à la fin des années 50. Ce qu'on a dit dans le récit, effectivement. Alors, on les trouve où, ces bidonvilles? Dans quelles zones géographiques? Autour de quelles villes? Alors, ce qui, effectivement, il y a une ironie de l'histoire, puisque, bien sûr, on va retrouver des bidonvilles exactement dans les mêmes endroits, c'est-à-dire qu'à Nanterre, actuellement, il y a encore un bidonville, à Aubervilliers, à La Courneuve, etc., etc. Le phénomène, c'est qu'on a des bidonvilles qui sont de plus en plus petits, et on estime qu'en France, on est à peu près à 570 bidonvilles. Alors, pour le coup, ça varie en fonction des destructions. Mais donc, on n'a plus des bidonvilles de 10 000 personnes. Le seul qu'on avait qui ressemblait un petit peu à ça, c'était ce qu'on appelait la jungle de Calais. Alors, on y reviendra, la jungle de Calais, mais dans bidonville, il y a ville. Il faut que la ville soit assez grande pour qu'il y ait bidonville ou pas? Comment ça se passe? C'est ce qu'on peut en trouver dans des villes, même des petites villes françaises? Oui, tout à fait. En fait, on trouve vraiment des bidonvilles un peu partout, y compris dans des petites villes, par exemple du Pas-de-Calais. On trouve des bidonvilles qui vont être avec une dizaine de familles. Donc, la stratégie, mais c'est plus lié en fait à la politique des pouvoirs publics qui est sur la destruction des bidonvilles, c'est d'essayer d'être le plus discret possible. Donc, on va les trouver cachés au bord des autoroutes, dans des petites villes, un petit peu en périphérie. Donc, on est vraiment sur une stratégie d'évitement des forces de l'ordre pour essayer de gagner en stabilité. Et la stabilité, c'est la seule façon de s'insérer, parce qu'on peut créer un réseau de connaissances, se lier avec une assistante sociale, une association et autres. Et comment vit-on dans ces bidonvilles? Est-ce que ce sont les mêmes conditions de vie que celles qu'on a racontées dans le récit? Alors, c'est très proche. C'est très proche de ce que vous avez raconté. Comme quoi, ce n'est pas une origine sociale, puisque souvent on qualifie les populations de Roms qui habitent actuellement dans les bidonvilles, et on pense que c'est parce qu'ils sont Roms qu'ils vivent avec ce mode de vie-là. Absolument. On avait exactement la même chose avec les Algériens, ou les Portugais, ou les Espagnols, où on expliquait que leurs origines faisaient qu'ils n'étaient pas adaptables à la société. Pour rappel, en Roumanie, même les populations roms, toutes vivent donc soit en appartement, soit en maison. Et donc, ils découvrent le bidonville quand ils arrivent en France, mais ils ne le connaissaient pas avant. Voilà, c'est pas leur milieu naturel comme certains pourraient le penser. Justement, ils le subissent en fait. Ils subissent ces conditions de vie. Les bidonvilles, ça veut dire quoi? Pas d'eau courante? Qu'est-ce que c'est les conditions de vie dans les bidonvilles exactement? Oui, alors un des points extrêmement compliqués, c'est le manque d'accès effectivement à l'eau, c'est-à-dire le manque d'accès au fluide. Donc, ils passent énormément de temps à aller chercher donc de l'eau. Alors, certaines municipalités ont mis des points d'eau, mais c'est vrai que c'est pas du tout la majorité. Idem pour le ramassage des ordures. Et surtout, ce qui est frappant, c'est l'absence, finalement, de droit commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de recensement fait pour savoir si les enfants vont ou pas à l'école. Et d'ailleurs, on a moins de 50% des enfants qui sont en âge d'être scolarisés, c'est-à-dire entre 6 et 16 ans, qui vont à l'école. Donc, en fait, il y a un délaissement total de ces espaces par les pouvoirs publics, que ce soit au niveau étatique ou au niveau départemental ou municipal. Est-ce qu'on a pu mesurer la réalité sanitaire ? Est-ce qu'il y a plus de maladies, plus de pathologies, qui seraient des pathologies d'ailleurs spécifiques au manque d'eau, au manque de confort ? Oui, alors bien sûr, on retrouve des maladies comme la gale, la tuberculose, qui sont malheureusement assez fréquentes dans les bidonvilles. Et donc, il y a quelques campagnes de dépistage. Mais là encore, le fait de déplacer sans arrêt les bidonvilles ne fait que, d'une certaine façon, propager ces épidémies de tuberculose. Donc, en termes de santé publique, là aussi, c'est problématique. Alors, c'est en Seine-Saint-Denis qu'on compte le plus de campements de population dites Rome, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est là que se trouvaient les grands bidonvilles des années 60, la Seine-Saint-Denis, le fameux 9-3. Pourquoi ce département ? C'est d'abord parce qu'il y a toujours des friches qui sont disponibles. Donc finalement, les bidonvilles, on peut s'installer dans un petit peu les trous qui ont été laissés en jachère dans la ville. Et c'est vrai qu'on en trouve pas mal dans le 93. C'est pas trop éloigné de Paris. Et on a, peut-être à part Nanterre, on a aussi des politiques qui ont fait que un département comme le 92 a été entre guillemets sanctuarisé. C'est-à-dire qu'il y avait une très forte présence policière pour empêcher l'installation donc de bidonvilles dans ce département. Alors, si vous me disiez tout à l'heure que l'un des problèmes, peut-être le problème le plus important, c'est que certains passent de bidonville en bidonville. C'est pas une vie tout à fait sédentaire. Donc effectivement, on détruit des bidonvilles les uns après les autres. On va écouter ensemble un extrait d'un reportage qui a été diffusé dans le 7-9 de France Inter après l'évacuation du bidonville de la porte de Clignancourt. C'était en 2016. Le déplacement de ces gens de bidonville en bidonville au fil des évacuations semble être pour l'instant la seule réponse des autorités à la question, justement, du mal logement et pire encore du bidonville. Le 7-9 sur France Inter. Il y a une semaine donc, jour pour jour, les forces de l'ordre évacuent le plus grand bidonville parisien, porte de Clignancourt, campement détruit, 250 Roms dispersés officiellement pour raisons sanitaires, une énième évacuation alors que l'ONU épingle une nouvelle fois la France pour sa discrimination des Roms. Bonjour Béatrice Duguay. Bonjour. Que deviennent ces personnes évacuées ? Clairement, leur vie d'errance continue ou avec un certain fatalisme pour Daniel. Cet homme de 28 ans ne compte plus les fois où il a dû quitter un campement depuis 5 ans. Beaucoup de fois. Il est resté 3 mois, la police il est venu, il est fait partie dans le camp. Ça fait 5 ans que moi connais, qu'il est fait tout le temps comme ça. Il est très fatigué ça. Voilà, Olivier Perroux, ça, qu'est-ce que ça vous inspire ce que vous avez entendu ? Oui, alors effectivement c'est une migration subie. Alors encore une fois on habille ça de façon culturelle en disant comme c'est des Roms, c'est des nomades, ce qui n'est pas du tout vrai. Et donc du coup c'est pas gênant qu'ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Et en fait on voit plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les personnes ont un attachement à l'endroit où ils sont. Et par exemple, quand on a des enfants qui sont scolarisés, c'est vrai qu'on a des personnes qui vont faire 2 heures de bus pour amener leur enfant à l'école parce que ils veulent garder un ancrage territorial autour de l'école. Bien, Olivier Perroux, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à discuter de la situation de ces gens qui habitent dans des bidonvilles. On écoute Imran Azaman. الزمان كي ادي جنس نانيت الزمان Vous écoutez France Inter, vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui consacrées au bidonville de Nanterre avec notre invité, Olivier Perrault. Alors on parlait de la jungle de Calais tout à l'heure, qui était détruite, ainsi que les camps de Grande-Synthe, mais qui ne faisait pas partie de la liste officielle des bidonvilles. Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'il y a une séparation, on voit bien au niveau des politiques, entre ce qu'on appelle donc les migrants, avec une possibilité donc de demande d'asile, et puis donc ce qu'on a appelé les Roms, pour des raisons franchement qui ne sont pas évidentes, parce qu'au niveau de l'argumentaire scientifique, ça ne tient pas. Et ce qui est frappant, c'est que au moment justement de la, on va dire la fermeture de la jungle de Calais, on avait 10 000 personnes qui ont toutes été relogées, alors que là, on est en train de parler de 16 000 personnes, donc dans ces fameux bidonvilles dits Roms, qui depuis 25 ans sont présents en France et pour lesquels on voit qu'il n'y a pas une véritable volonté de relogement. Alors, quelles actions alternatives on pourrait trouver selon les associations qui travaillent sur le terrain, dont vous ? Alors, je vais prendre un exemple municipal, notamment la mairie de Toulouse. C'est-à-dire que, bien sûr, personne ne souhaite que des bidonvilles perdurent, ni même avoir un bidonville à côté de chez soi. Donc, la mairie de Toulouse, pour le coup, a une politique, j'ai envie de dire, vraiment très intéressante, dans le sens où quand ils ont donc détruit un bidonville, l'idée c'était de reloger tout le monde, de répartir les personnes dans ce qu'on appelle du logement diffus, c'est-à-dire pas les mettre tous à un même endroit, donc dans des HLM ou autres, et de leur permettre d'accéder rapidement à une formation. Alors ça passait au début par des cours de français, mais aussi une formation professionnelle. Et ils ont raisonné à l'échelle de la famille nucléaire, et pas justement dans ce fantasme un peu culturel où il faudrait les oncles et tantes, ouais, toute la famille élargie. Et on n'a pas eu de réinstallation sur les bidonvilles qui ont été donc détruits. Et alors on a une partie des gens qui sont repartis, alors peut-être en Roumanie, peut-être dans d'autres pays européens, mais la majorité sont restés. Et en fait, après, cette question a disparu. Et j'ai envie de dire, il faut savoir qu'actuellement, les bidonvilles, on en trouve en Italie et en France, mais dans les autres pays européens, c'est quelque chose qui est totalement inconnu. Donc tout le monde nous regarde bizarrement en disant, mais comment est-ce possible que vous avez encore des bidonvilles? Sachant qu'en plus, on est très peu touché par la migration, si on compare bien sûr avec l'Allemagne, la Suède, mais même aussi avec l'Espagne. Alors, vous travaillez, vous, pour l'association Trajectoire, c'est quoi vos missions? Oui, alors l'objectif un petit peu de l'association, c'est, on va dire, de mêler un travail scientifique à l'action. Donc l'idée, oui, parce que je rappelle, vous êtes sociologue aussi. Voilà. Donc l'idée, c'est notamment quand le travail social classique a des difficultés pour travailler avec certaines populations, notamment liées à des phénomènes d'emprise qu'on va trouver chez les bidonvilles et qu'on trouvait déjà donc à Nanterre sur des locations de cabanes, des choses comme ça, parce que bien sûr il y a tout un business qui s'est mis en place sur la migration. Là, c'est vraiment d'essayer de comprendre et d'aider les travailleurs sociaux et les pouvoirs publics pour créer des outils d'accompagnement social. Et alors, vous qui avez observé ça de très près, quelle est, au bout du compte, la principale barrière, à votre avis, à l'insertion des populations qui vivent en bidonville ? C'est quoi ? C'est la langue ? C'est l'emploi ? Ou nos propres préjugés ? Ou, j'imagine, vous allez me dire, c'est tout ça en même temps ? Mais plus particulièrement. Oui, alors la stabilisation, c'est la clé, parce qu'en fait, en France, tout fonctionne à travers la domiciliation, tout est sectorisé. Donc à partir du moment où on ne peut pas être domicilié, on n'a pas accès aux droits. Et donc, du coup, on ne peut pas bénéficier d'un accompagnement social. Donc, stabiliser les personnes, ça c'est vraiment la première étape. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a tout un fantasme culturel qui fait que les... que ce soit effectivement les administrations et même parfois les travailleurs sociaux, ont d'une certaine façon peur de travailler avec ces populations-là. Et je pense enfin, il faut revenir sur cette fameuse théorie de l'appel d'air qui guide l'ensemble de la politique migratoire en France, en se disant plus on offre des conditions difficiles et inhospitalières, moins les gens vont rester. On s'aperçoit que finalement on ne fait que empirer des problèmes, y compris créer de la petite criminalité. Et quand on accompagne la migration, déjà on s'aperçoit que l'appel d'air si attendu ne se réalise pas. Et finalement, on arrive facilement à avancer sur cette migration qui est essentiellement économique, avec donc du coup des personnes qui sont là pour s'insérer. On va écouter une deuxième et dernière archive ensemble. Vous allez entendre Nicolas Clément, alors il est du Secours catholique, donc toujours dans le reportage du 7-9 de France Inter. Donc après l'évacuation du bidonville de la Porte de Clignancourt en 2016, il parle justement des Roms. Effectivement, la réputation est absolument épouvantable. Il y a en effet des gens qui sont voleurs. Il y a aussi des voleurs chez les banquiers. Il suffit de voir M. Kerviel. Tous les banquiers ne sont pas Kerviel. Tous les Roms ne sont pas des voleurs. La majorité des gens sont des gens convenables. Et puis, chaque fois qu'on méprise quelqu'un, disons-nous, est-ce que moi, je vivrais 5 minutes dans cette position? Est-ce que je serais content que mes enfants vivent dans cette position? Si on se pose vraiment cette question comme ça, je suis sûr qu'on trouvera plein de solutions très bien pour ces 20 000 personnes qui sont très peu nombreuses. Là, ce que nous dit Nicolas Clément, là, c'est que ce sont les préjugés hein, qui constituent la barrière la plus importante pour que la condition de ces personnes qui vivent en bidonville puisse s'améliorer. Nos préjugés, c'est dur. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, les préjugés sur les Roms, ça fait très longtemps qu'on les a. C'est vrai que malheureusement, ils avaient été entretenus, y compris dans des discours politiques. On avait avant des préjugés, effectivement, sur les Algériens, qui n'ont pas tout à fait disparu. On en avait aussi avant sur les Portugais, où en revoyant des archives, on voyait que les Portugais étaient trop entre eux, étaient trop croyants, et donc du coup faisaient trop d'enfants et ne pourraient jamais s'intégrer. Avec du recul, ça fait sourire, mais c'est évident que c'est une barrière, on va dire, qui justifie l'inhumanité qu'on a à propos de ces populations. Puis, dernière chose, il y a aussi la vision médiatique, mais c'est lié. On parle de camp de Rome, démantèlement des camps de Rome. On n'ose pas dire bidonville. On n'ose pas admettre la réalité qu'il y a des bidonvilles, encore chez nous, comme vous disiez, la France et l'Italie. D'ailleurs, les autres nous regardent bizarrement. Et on dit des camps de Rome. Donc, qu'est-ce que ça dit de la vision médiatique de cette question-là? Oui, alors le démantèlement des camps. Démantèlement, c'est un vocabulaire qu'on utilise pour démanteler des réseaux criminels. Quand il y a un squad de Maliens, on va dire qu'on a évacué un squad de Maliens. Donc déjà, on cherche à utiliser un vocabulaire criminel. Quand les références sont ambiguës, mais on va dire dans le meilleur des cas, on est sur des gens qui ne vont pas rester très longtemps. Donc là, il faut sortir de cette illusion-là. Les gens sont là pour s'installer en France, dans la plupart des cas. Et donc, tout ce vocabulaire, effectivement, insinue qu'on est face à des populations dangereuses. Et là, on reprend un vieux cliché sur les Roms qu'on avait à propos déjà des gens du voyage. Et donc, que ça représente une menace aux marges de nos villes. Et finalement, ce qu'on voit de l'histoire, on se dit que cette mémoire n'est peut-être pas assez mise en avant. Donc du coup, je vous remercie de le faire, puisque on a l'impression qu'on utilise toujours les mêmes ressorts pour ne pas s'occuper de ces populations. Et c'est plus facile de les traiter en menace et de rien faire que de voir la situation en face. Et c'est 16 000 personnes. L'accompagnement semble pas extraordinaire pour un pays qui est près de 70 millions d'habitants. Merci Olivier Perroux, ce sera le mot de la fin. Merci pour vos éclairages et aussi votre témoignage, puisque vous êtes à la fois sociologue et homme de terrain sur cette question-là. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les bidonvilles de Nanterre, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Serge Viguier qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons le meurtre à peau de deux infirmières par un schizophrène. C'était en 2004.